Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 8 mai un message de félicitations à Emmanuel Macron, élu président français. Le destinataire a affirmé que le développement des relations entre les deux pays coïncidera avec les intérêts communs des peuples de deux pays et a souhaité succès dans le travail responsable du président pour le développement et la prospérité de la France.